Le porte-parole du Comité coréen pour la paix en Asie-Pacifique a publié le 13 courant un entretien qui dit notamment « L'administration d'Obama, qui est à la veille du retrait, lance successivement ces jours-ci des propos belligérants et dévoile à maintes reprises ses mauvaises habitudes. En plus, elle s'affaire dès le début de la nouvelle année à faire du remue-ménage. Surtout, elle fait déployer en urgence dans les eaux voisines de la péninsule coréenne le porte-avions à propulsion nucléaire de 93 000 tonnes de jauge Kyle Benson en provenance du territoire américain. Ce vaisseau portant à bord de nombreux avions et les bombes nucléaires se rendra à mi-janvier à Hawaï, se dotera des bâtiments tels que destroyers et croiseurs pour former une flotte de frappe et se présentera aux environs de la péninsule coréenne pour livrer diverses sortes de manœuvres militaires menaçant la République populaire démocratique de Corée. Rappelons que les États-Unis qui disposent en permanence dans cette région la flotte de frappe incluant le porte-avions nucléaire Ronald Reagan basé au port de Yokosuka y déploient cette fois en supplément une nouvelle flotte de porte-avions, ce qui est une démarche très singulière et cela est une provocation dangereuse amenant une nouvelle tension militaire dans la péninsule coréenne et dans ses environs. Parallèlement, la bande d'Obama met toujours en cause nos justes mesures de renforcement du potentiel militaire et laisse entendre des propos méchants tels que de les faire payer cher. En outre, ils livrent divers conciliabules avec leurs laquais et s'adonnent à ourdir des complots visant à continuer l'ascension et la pression contre nous malgré le changement du pouvoir et à effectuer la disposition de Saad en Corée du Sud dans les meilleurs délais. Il est de notoriété publique que la nouvelle stature stratégique mondiale de notre République en tant que nouvelle puissance nucléaire reconnue par le monde est le produit sine qua non de la politique ignorante, partiale et anachronique d'hostilité, de durcissement et de suppression d'Obama contre notre pays. Les États-Unis doivent savoir correctement la position, la force, l'aspiration et l'idéal de notre République, dotée d'énormes potentialités de développement, sans parler de l'actuel changement fondamental, et ils ont intérêt de faire du choix sage pour eux-mêmes. Tant que les États-Unis et leurs suivistes continuent les menaces et chantages nucléaires, et que les manœuvres militaires se déroulent sous couvert annuel devant notre porte, nous continuerons de développer la capacité militaire autodéfensive et celle de la première frappe axée sur les armements nucléaires, tout comme l'on l'a déjà proclamé. Tous ceux qui recourent aux actes téméraires à l'encontre du courant de l'époque seront voués seulement à la défaite et à la ruine pitoyable. »